RCH. Sur la première, vous le savez, c'est l'heure d'Histoire vivante. Passez un très bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Cette semaine, retour sur la bombe. d'Enola Gay à Farm Hill, une histoire mortelle. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Il nous garde secrètement, nous n'avons aucun recours légal. Otto Hahn, Max von Laue, Heisenberg, Gerlach, Hartig, Wirtz, Korsching, Bagge, Liebner. Le 1er mai 1945, des scientifiques allemands sont enlevés par une unité anglo-américaine placée sous la responsabilité du major Rittner. Ils sont enlevés à Ischingen, en pleine forêt noire. C'est là que la plus grande partie du Kaiser Wilhelm Institut für Physik et particulièrement son réacteur nucléaire ont été déménagés après que l'intensité des bombardements alliés ait imposé son transfert hors de Berlin. Après une semaine à demeurer cachés dans la proche banlieue ouest de Paris, ils sont finalement expédiés en Angleterre dans un cottage du nom de Farm Hall. Le cottage dans lequel vont se trouver enfermés les savants allemands est donc entièrement placé sur écoute. Une équipe composée de 8 personnes est affectée à ces écoutes. Tous ont l'allemand comme langue maternelle et possèdent plusieurs années dans ce genre d'activité. Ils ont de l'oreille. Ils peuvent reconnaître les voix, suivre une voix particulière au milieu d'une conversation. À la fin de l'opération Epsilon, les 8 membres chargés des écoutes s'affirmeront capables d'identifier la voix de chacun des invités. Pendant la journée, toutes les chambres étaient occupées. Les enregistrements, faits sur des disques métalliques réinscriptibles grâce à un procédé de gomme-lac. Les conversations n'étaient enregistrées que lorsqu'elles étaient sur le point d'aborder des sujets intéressants. La règle étant d'enregistrer de préférence trop plutôt que pas assez. On ne transcrivait que ce qui intéressait le service. Les conversations techniques, les conversations politiques, les conversations personnelles n'étaient utilisées que dans la mesure où elles aidaient à étoffer les fiches biographiques. Les mots inaudibles reproduits par des points d'interrogation. Les répétitions élaguées au moment de la traduction. On ne sait plus qui se sera chargé des traductions, ni quelle proportion des transcriptions allemandes a été traduite. L'estimation est de 10% de l'ensemble des mots prononcés par les détenus. Après usage, les disques étaient retraités et réutilisés. Il ne subsiste probablement aucun enregistrement original. Rien ne permet d'affirmer que les transcriptions originales en allemand aient été détruites, mais aux yeux des experts, la chose paraît assez vraisemblable. Ce sont tous d'éminents scientifiques, plus ou moins nobilisables, certains l'ont été ou le seront. La question essentielle pour les services de renseignement britanniques, c'est de connaître le degré où en est arrivée la compétence scientifique allemande dans le domaine atomique. L'opération Epsilon débute le 1er mai 1945, l'arrivée à Farm Hall le 3 juillet. Nous sommes à un mois et trois jours du lancement de la bombe atomique sur Hiroshima. À Farm Hall, chacun, officier du renseignement et prisonnier invité allemand, l'ignore. Le reste du monde également. Rapport de Michael Perrin des services secrets britanniques pour le général Groves, responsable militaire du projet Manhattan. Opération Epsilon, du 3 au 18 juillet 45. Un rapport concernant le déroulement de l'opération sur le continent du 2 mai au 3 juillet 1945 a déjà été remis. Les dispositions prises pour amener le groupe en Angleterre ont fonctionné comme prévu et les personnes suivantes ont atterri à Thamesford le 3 juillet après-midi. Elles ont été conduites à Farm Hall en voiture. Tous les professeurs m'ont renouvelé leurs paroles par écrit pour Farm Hall et la propriété, et je les ai avertis que toute tentative d'évasion ou de communication avec l'extérieur de leur part ou de celle des aides de camp entraînerait des restrictions très sévères de leur liberté de mouvement. Des rations militaires ordinaires ont été apportées pour les professeurs, les officiers et la troupe. Elles sont préparées par les cuisiniers. Des microphones ont été installés dans toutes les chambres et salles de séjour utilisées par les professeurs. Juillet 1945. Je me demande s'ils ont installé des microphones. Des microphones? Non, ils ne sont pas assez malins. Je ne crois pas qu'ils pratiquent les méthodes de la Gestapo. De ce point de vue, ils sont un peu vieux jeu. 7 juillet 1945, le commandant Eric Welch a visité Farm Hall. La conversation qui suit a lieu après la visite du commandant Welch. Sont présents Heisenberg, Hartek, Dibner et Cushing. Je vois venir le moment où il nous faudra avoir une conversation très sérieuse avec Welch. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Ah, ça ne servira à rien. Ils nous gardent secrètement. Nous n'avons aucun recours légal. Apparemment, ils se sentent coupables de ce que font leurs propres savants. Autrement, c'est à n'y rien comprendre. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Un soir, on va saouler le commandant et le faire parler. On va jouer au bridge. Ensuite, nous parlerons sérieusement à partir de 1 heure. Oui, c'est la bonne marche à suivre. D'abord, on va le chercher un après-midi, et on s'arrange pour le déprimer. Puis, un autre soir, on fait la fête. Oui, oui, et dites-lui clairement que ce qui nous arrive est injuste. Oui, bien sûr. Vous avez l'air d'avoir une certaine influence sur lui. Je crois que vous pouvez arriver à quelque chose. Bon, je crois qu'il m'a à la bonne. Je lui ferai remarquer qu'il en a laissé d'autres vivre leur vie en Allemagne et que nous, pauvres Locke, nous devons laisser nos femmes et nos enfants mourir de faim. Et pendant ce temps, les soldats américains et anglais pillent nos maisons. Oh, ils s'en moquent. Oh non, ils ne s'en moquent pas. En rusant un peu, on peut peut-être arriver à quelque chose. C'est bizarre, d'abord, ils s'arrangent pour que tout ça reste secret et ensuite, on dirait qu'ils veulent être aimables avec nous. Je crois bien qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas qu'on soit mêlé aux discussions sur notre avenir parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait notre mot à dire. Ils veulent prendre le temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire de nous. Ils ne sont pas encore d'accord entre eux. Bien sûr qu'ils le peuvent, si elles en ont envie. Bien sûr, ils peuvent finalement être d'accord pour nous demander si nous voulons bien rester en Angleterre ou bien si nous préférons aller en Amérique. Mais que nous ne pouvons pas revenir en Allemagne. Welch a dit que quand il reviendrait, il aurait certainement des lettres ou de bonnes nouvelles. Dès qu'il sera là, il essaiera de nous endormir avec toutes sortes d'excuses. Et après, il va parler pendant des heures. Et il va se dire, tout va bien maintenant, je les ai calmés pour un petit moment. Le début de la conversation m'a beaucoup déplu. Quand tu as commencé à parler des lettres. Quand il a dit « Oui, elles sont parties, mais il n'y a pas encore de réponse. » C'est très mystérieux. Non, il a dit qu'elles n'avaient pas encore été envoyées. C'est ce qu'il a dit. C'est venu par bribes, après qu'on l'ait bien cuisiné. Et puis les remarques ensuite sur la malchance, etc. C'est facile de mettre ça sur le tapis. Je comprends qu'un Anglais soit ennuyé de mettre des choses comme ça sur le tapis, mais ce n'était pas une façon de nous répondre. Je n'avais plus envie de l'écouter du tout. C'est pour ça que je suis sorti de la chambre. Je serais très content, monsieur Heisenberg, si vous vouliez bien avoir une conversation avec lui. Vous n'êtes pas censé être au courant des détails de ma propre conversation. Welch a démarré tout seul au déjeuner. J'ai eu l'impression qu'il était un peu déprimé par la situation ici, et par le fait qu'il ait été reçu assez froidement. Il s'en est bien rendu compte. Otto Hahn lui a dit que nous vivions ici comme des princes. Mais à quoi bon? Si on ne peut avoir aucune nouvelle de notre famille, si on n'a aucune idée de ce qui est en train de nous arriver, et si on ne peut pas garder le contact avec notre travail, on est bien traité, certes. Mais on est quand même prisonnier. Je crois bien lui avoir fait une impression favorable. Il voulait m'en parler après déjeuner, mais j'ai refusé. Et je lui ai dit, nous parlerons seul à seul plus tard. Je crois que nous devrions préserver nos chances auprès de ce type. Il pourra peut-être nous aider face à d'autres qui nous sont encore plus hostiles. Il est sans doute venu en s'attendant à ce que ça soit joyeux et qu'on le reçoive aussi bien que la dernière fois. Il s'est immédiatement rendu compte que ce n'était pas le cas. Et bien sûr, ça l'a embêté. Un peu plus tard, ce 6 juillet, la conversation se poursuit. Supposons qu'on s'échappe et qu'on aille jusqu'à Cambridge. Vous avez beaucoup d'amis là-bas. Ça ferait vraiment sensation. Tout serait découvert. Vous feriez sûrement ça si vous étiez détenu depuis un an. Si rien de nouveau arrive, j'irai certainement voir Rittner assez prochainement. Et je lui dirai, je demande la permission de reprendre ma parole. Il se retrouvera dans la situation inconfortable de devoir mettre une sentinelle armée devant ma porte. Ça fera des remous en amont. C'est sûr que ça déclencherait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Si vous vous échappiez et essayiez réellement d'aller à Cambridge, ils ne pourraient rien faire. Ils pourraient demander à la police de vous ramener, mais le mal serait fait. Ils ont l'air d'avoir peur qu'on fasse quelque chose contre l'Angleterre. Mais ils nous cachent de leurs propres concitoyens, c'est ça qui est incroyable. Si la situation était inversée, nous ne cacherions pas un savant étranger en Allemagne. Tous les savants seraient au courant. Ce qui est vraiment épouvantable avec les Anglais, c'est qu'il leur faut une éternité pour se décider. Eh oui, leur empire s'est construit à travers les siècles. Ils ont tout le temps. Ils ne comprennent pas que des gens puissent être pressés. On peut dire qu'ils font les choses mieux que les autres parce qu'ils prennent leur temps. Ils ont de l'argent, donc du temps. Plus longtemps on restera ici, et plus on aura envie de rentrer. En plus, c'est mauvais de laisser les gens dans le doute. On devient très amer. C'est ça, oui. Terriblement amer. Peut-être que le gouvernement anglais a peur des professeurs communistes. Peut-être qu'ils ne veulent tout simplement rien dire du tout. Alors il va falloir qu'ils attendent jusqu'à ce que tout soit arrangé par les trois grands à Potsdam. Je crois que dans ce cas, il vaudrait mieux pour les Anglais qu'ils nous donnent quelques repères. Peut-être qu'ils ne peuvent pas en parler ouvertement à cause du camarade Staline. Il est possible que les trois grands décident à Potsdam et que Churchill rentre en disant « Allez, au revoir, tout le monde retourne à Berlin. » Et alors, on sera dans le potage. 7 juillet 1945. Conversation entre Karl Wirtz et Carl Friedrich von Weizsäcker, vraiment pressé de coopérer avec les savants britanniques et américains, bien qu'il ait parlé de passer chez les Russes. Ces gens nous ont mis en détention d'abord parce qu'ils pensent que nous sommes dangereux, que nous avons vraiment beaucoup travaillé sur l'uranium. Ensuite, des gens importants ont dû intervenir en notre faveur pour qu'on soit bien traités. Et ces deux faits les ont mis dans cet embrouillamini politique. Maintenant, il serait décent qu'ils nous disent « On ne peut pas parvenir à une décision rapide vous concernant. Qu'allons-nous faire? Vous voulez demeurer avec votre famille dans le temps qui reste ou... » Au lieu de cela, ils préfèrent nous maintenir au congélateur. Ce n'est pas gentil de leur part. En fait, je les crois volontiers quand ils disent que cela dépend des élections et de toutes sortes d'imbroglios politiques. Je ne crois pas qu'ils fassent rien par pure méchanceté. C'est simplement qu'ils n'arrivent à aucune décision nous concernant. Oui, je peux comprendre. Mais ils pourraient dire « On va trouver un arrangement pour vos familles ». À quoi ça rime tout ça ? Oui, mais c'est difficile. Ce qui est exaspérant, c'est qu'ils ne nous laisseront pas dire un mot de tout ce qui nous arrive, ni pour ce qui touche à nos familles, et qu'ils ne nous donneront aucune raison d'avoir confiance en l'avenir. 11 juillet. Conversation entre Erich Bagge et Horst Korsching. Ça me met hors de moi que des gens puissent être aussi bêtement anglophiles. C'était pareil à Eichingen. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils leur ont donné l'eau lourde sur un plateau. Ils ont fait la même chose avec l'uranium, avec tous les instruments et tous les dossiers secrets en double, je ne sais pas, 20 grammes de radium. C'est terrible. J'en connais qui ont enterré quelques grammes de radium pour les revendre plus tard, pour leur compte. 11 juillet. Les deux mêmes, Korsching et Bagge. Si on veut continuer à travailler sur notre sujet, il faudra certainement travailler avec les Anglo-Américains. Personne n'a d'argent en Allemagne. Supposons que vous soyez convaincus que l'Allemagne sera occupée par les Russes pendant longtemps et que vous travaillez à fabriquer des armes pour les Anglais. Le résultat sera la transformation de l'Allemagne en futur champ de bataille. Les Anglais, bien sûr, sont beaucoup trop circonspects pour penser à combattre les Russes. Moi, ça ne me poserait pas un cas de conscience de faire une source de neutrons pour les Américains. Bien sûr, on ne pourrait pas séparer pour eux l'uranium avec le séparateur qui existe. Je serais tout à fait d'accord pour poursuivre mes travaux là-dessus. C'est absolument inoffensif. Compte tenu de ce que je sais des Anglo-Américains, je ne trouve pas agréable l'idée qu'ils puissent nous assimiler aussi facilement que cela. Au final, tout notre travail sera porté au crédit des cerveaux anglo-américains. En tout cas, je n'imagine pas que Weizsäcker et Wirtz demeurent en Allemagne pour le restant de leur jour. Qu'est-ce que tu veux dire ? La première chose que Wirtz a demandé, c'est « Est-ce qu'ils nous donneront la nationalité anglaise ?» Il avait eu toutes sortes d'autres discussions auparavant. Je ne crois pas que c'était son idée. Une fois, je discutais avec Wirtz et Heisenberg, et j'ai dit « Ce serait sûrement très malin pour quelqu'un désireux de travailler en Angleterre, de prendre la nationalité anglaise, parce qu'autrement, s'il tombait dans les mains des Russes, il serait descendu. » Tous les deux étaient d'accord. Une fois en Angleterre, on peut être obligé d'y rester. Je préférerais prendre la nationalité suédoise plutôt que de rester en Allemagne à attendre la prochaine guerre. Moi, je ne ferai aucun effort pour avoir la nationalité anglaise. S'il n'y a rien d'autre à tirer de l'Allemagne, il faut à tout prix fuir les Russes. Weizsäcker s'est plus ou moins résigné à l'idée de devenir russe un jour ou l'autre. Suppose que les Anglais arrivent en disant « Vous pouvez continuer votre travail, vous allez continuer à travailler sur l'uranium, mais vous devez signer un papier. Il faudrait sans doute signer pour pouvoir partir d'ici. Est-ce que tu le ferais, vraiment ?» Je dirais que même pendant la guerre, j'ai pu poursuivre mes travaux librement. Et je demanderai si cela ne peut pas continuer ainsi. Je dirais la même chose, bien sûr. Mais s'il disait non, je signerais volontiers et j'en tiendrais pas compte. Des gens comme Wirtz voudront faire quelque chose aussi. Wirtz pourrait continuer ses travaux sur sa drôle de machine. Il ne pourra pas séparer ne serait-ce qu'un milligramme de quoi que ce soit. Weizsäcker a le même problème. Le même problème que j'avais avec mon propre appareil. C'est une question de solubilité. Tant qu'il utilise des fluides autres que le mercure, il tombe sur le même effet de la solubilité que moi. La différence entre son appareil et le mien, c'est qu'il n'a qu'une seule étape, et que le mien est plus compact. Mais bien sûr, il essayera, il jouera à ça, même si ça ne mène à rien. Mais je pense que les Anglais seront satisfaits s'ils ont l'appareil. J'imagine qu'on devra signer quelque chose, que nous ne dirons rien au sujet de l'appareil qu'ils nous ont pris. Je ne peux pas croire qu'ils nous laisseront partir. Il faudra certainement qu'on signe une déclaration, disons, que nous ne publierons pas. Il faut faire attention à ne pas s'engager. Sir Charles Frank, physicien britannique. Il a rendu visite aux prisonniers en novembre 1945, un mois avant leur libération. Je ne peux m'empêcher de penser que certains d'entre eux affichent une naïveté, une ignorance ou des hésitations très surprenantes au sujet du plutonium. Les propriétés de cet élément, qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, avaient été correctement prédites par Niels Bohr et John Wheeler. La plupart d'entre eux devaient savoir qu'une chose dite par Bohr, même si elle s'avérait finalement inexacte, devait être prise au sérieux. Une conférence eut lieu du 26 au 28 février 1942 au Kaiser Wilhelm Institute für Physik, conférence à laquelle assistaient pratiquement tous les physiciens engagés dans les projets de pile à uranium, ainsi que des représentants de l'état-major des armées, du conseil de recherche du Reich et les ministres concernés. Il est explicitement dit que le fonctionnement d'une uranium-machine allait engendrer l'élément 94 qui serait facilement séparable et dont on disait qu'il pourrait servir à fabriquer une bombe atomique. Prévision qu'on peut attribuer dès 1940 à von Weizsäcker. On trouve même une estimation de la quantité d'éléments 94 nécessaire pour la fabrication d'une bombe qui est de 10 à 100 kg. Would lie between 10 to 100 kilograms. What is of central importance? La partie cruciale dans toutes ces conversations concerne la quantité minimale de matière fissile nécessaire pour une explosion atomique, ce qu'on appelle la masse critique. Au moment où débute la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques savent en général que l'isotope U-235 de l'uranium peut produire une explosion absolument dévastatrice. Mais personne ne sait précisément quelle est la masse critique de U-235. La définition même de cette masse critique comporte une difficulté. Il faut faire la différence entre plusieurs quantités qui sont la masse critique de U-235 seule et la masse critique beaucoup plus petite de U-235 entourée d'un manteau de matériaux capable de renvoyer les neutrons vers l'uranium 235. Et enfin, la quantité nécessaire pour fabriquer réellement une bombe. Une quantité juste supérieure à la masse critique ne provoquerait qu'une minuscule explosion. Il est clair que l'estimation de la masse critique pour une explosion à partir de U-235 que fit Heisenberg était d'une importance absolument fondamentale pour la politique nucléaire allemande durant la guerre. Les gens bien informés, en Angleterre et aux États-Unis, seraient sans doute arrivés à la même conclusion qu'en Allemagne, à savoir que la quantité de U-235 nécessaire était si grande qu'elle rendait impossible la fabrication d'une bombe par qui que ce soit pendant la guerre, conclusion qui aurait été accueillie avec grand soulagement. Received that conclusion with welcome relief. Juillet. Conversation entre Hahn et Dimner après avoir lu dans le journal que Lord Cherwell assistait à la conférence de Potsdam. Lord Cherwell est le conseiller scientifique du gouvernement de Grande-Bretagne. C'est un proche de Winston Churchill. En 1942, il a présenté au cabinet de guerre un rapport préconisant le bombardement massif des villes allemandes basé sur les effets du bombardement allemand dans le cadre d'une campagne de bombardement stratégique. C'est lui qui nous a fait enlever. Si Cherwell savait que nous sommes détenus ici, il se produirait quelque chose. Il irait voir des gens et discuterait de ce qu'il pourrait ou devrait faire. Il ne sait pas. Ces choses-là vont certainement être discutées. J'imagine qu'à la conférence des trois grands, on va décider quels savants doivent aller en Russie. Comment Cherwell pourrait-il être au courant de quoi que ce soit? Il ne sait rien à notre sujet. C'est vraiment bête. Peut-être est-il au courant après tout. 17 juillet. Conversation entre Kurt Dimmner et Erich Bagge. Je serais content, Bagge, si on pouvait rester ici. Ce serait merveilleux si nous pouvions devenir anglais. Et ne plus rien avoir à faire avec ce groupe. Je prêterais volontiers serment pour n'avoir plus aucun rapport avec eux. Sir Charles Frank. Je savais par Wirtz que les détenus se doutaient, au moins depuis novembre, que Farm Hall était sur écoute. C'est pourquoi j'ai lu avec le plus grand soin les transcriptions pour voir s'ils avaient pu se concerter pour mentir ou bien cacher des choses. Je n'ai trouvé aucune trace d'un tel plan. De fait, quand bien même il y en aurait eu un, l'annonce de la bombe d'Hiroshima, qui sans nul doute les surprit tous, aurait rendu ce plan sans objet. À travers leurs hésitations, pour ce que je peux en dire, on sent qu'ils surveillent davantage leurs réactions mutuelles que celles de possibles oreilles espionnes. Cette saga radiophonique était réalisée par Jérôme Nussbaum, avec les comédiens Pierre Arbel, Thierry Joran, Mauro Bellucci, Valentin Rossier, Thierry Joran, Nicolas Rinui, Oscar Sfaludi, ainsi que Jacques Mourican. Demain, la suite de ces conversations secrètes captées dans le cottage de Farm Hall par les officiers britanniques à l'écoute des savants atomistes allemands kidnappés. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.